fantasia. En bas de Péria, l'orage mensonge là. Si nous t'es qu'à côté de chez nous, Paris la pluie en harmonie. Ça t'es que t'es bien nous plus chaud. Pendant nos paix, pendant ciel la clair. Avant l'ombrage, l'ennui, la néant nous. On nous laissait quand nous chanter, danser l'amour à l'unisson. Pour nous pas jamais regretter. Peut-être un jour flan nous. Jouvent en passion, en qu'est faibli. Nous qui continuons à naviguer.